Chapitre 4. Le président prend la banque. C'était le cri qui instantanément avait couru dans tout le cercle. Même dans les salons des jeux de commerce, les jours de whist et d'écarté, les jours du billard aussi, de tric-trac, même d'échecs, avaient quitté leur partie pour voir cette curiosité, le président taillant une banque. Éveillé par ce brouhaha, ceux qui sommeillaient dans le salon de lecture ou çà et là, dans les coins sombres, avaient suivi le courant qui se dirigeait vers la salle de baccarat. « Auguste, 6 000 !» À cette demande de son président, Auguste, le chef de parti, sans même consulter Bartholas du regard, ce qui ne lui était jamais arrivé, s'était empressé d'apporter en jetons et en plaques sur un plateau les 6 000 francs, irrespectueusement, religieusement, avec une génuflexion de sacristain devant l'autel, il les avait déposés sur la table. C'était chose tellement extraordinaire, tellement stupéfiante, de voir Monsieur le Président tailler une banque, que Julien le croupier oubliait de presser la marge de la partie. Il attendait qu'autour de la table, chacun eût trouvé sa place, ce qui était difficile, car ceux qui occupaient déjà des sièges n'avaient eu garde de les abandonner. Dans cette salle, ordinairement silencieuse, où sous ce haut plafond régnait toujours une sorte de recueillement, comme dans une église ou un tribunal, s'était élevé un brouhaha tout à fait insolite. Cependant, Adeline s'était assise sur sa chaise de banquier, un peu surpris de se trouver si élevée au-dessus des pontes assis autour de la table. Son cœur battait fort. Elle regardait autour de lui vaguement, sans trop voir, car c'était au-delà de cette table qu'était son esprit et sa pensée. En attendant que le jeu commençât, un de ceux qui se tenaient à côté de sa chaise se pencha sur son épaule et d'une voix moqueuse « Tenez-vous bien, mon président, la lutte sera terrible. Frimaud revient de l'Odéon. » Un éclat de rire courut autour de la table, et tous les yeux s'arrêtèrent sur un joueur assis à côté du croupier, et qui n'était autre que Frimaud, le plus grand féticheur du cercle. Au théâtre, où il avait fait représenter quelques pièces avec des fortunes diverses, des chutes écrasantes ou de solides succès, selon les hasards de la collaboration, Frimaud n'avait qu'un souci, donner ses premières un vendredi ou tout au moins un 13. Au cercle, où régulièrement il passait 4 heures par jour, du 1er janvier au 31 décembre, pour gagner sa pauvre existence à la sueur de son front, comme il le disait lui-même, c'est-à-dire les 4 ou 5 louis nécessaires à sa vie, la matérielle, il ne jouait que dans certaines circonstances particulières qui devaient lui donner la benne. Pendant 3 mois, il avait été convaincu qu'il ne pourrait gagner que s'il tournait le dos à l'avenue de l'Opéra. Toutes les fois qu'il lui faisait face, il tirait des bûches, c'était fatal. Maintenant, il ne gagnait que quand il revenait de l'Odéon. Aussi, tous les soirs, après son dîner, descendait-il des hauteurs de Batignolles, où il demeurait pour s'en aller à l'Odéon, dont il faisait cette fois le tour en monologuant comme un personnage de l'ancien répertoire. « J'aurai la veine ce soir. » Puis il revenait au Grand I, où pendant 4 heures, il restait inébranlable dans sa foi, malgré la déveine qui, souvent s'acharnait sur lui, trouvant toujours les raisons les plus sérieuses pour se l'expliquer, sans jamais ébranler sa confiance en son fétiche, aussi solide que les pierres mêmes de l'Odéon. Pour tout le reste, parfaitement incrédule d'ailleurs, sans foi ni loi, se moquant de Dieu comme du diable, et ne croyant même pas à sa paternité, bien que Madame Frimaud fût la plus honnête femme du monde. « Parfaitement, » dit Frimaud d'un ton sec, car il n'aimait pas qu'on se moquât de lui. « Vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit. » En effet, Frimaud, qui pour son pieux pèlerinage ne prenait jamais de voiture, le fiacre n'est pas mascotte, était crotté comme un chien. Cependant, peu à peu, l'ordre s'était fait parmi ceux qui se pressaient autour de la table. « Messieurs, faites votre jeu !» Du haut de son siège, Adeline voyait tous les yeux ramassés sur lui, et particulièrement ceux de Frédéric placés en face de lui, derrière 3 rangs de joueurs et de curieux que sa haute taille lui permettait de dépasser. « Rien ne va plus !» Adeline, qui avait usé son émotion d'avance, était maintenant assez calme. Ce fut bellement, en beau banquier, qu'il donna les cartes aux 2 tableaux et se donna les siennes, et comme il avait un abattage, c'est-à-dire une figure et un œuf, le plus haut point pour gagner, ce fut aussi en beau banquier, sans faire languir la galerie et sans empressement de mauvais goût, qu'il mit ses cartes sur la table. Il n'eut qu'un cri, et il ne voulait pas jouer. Bien qu'Adeline s'efforçât de se contenir, il exultait, car sa joie allait au-delà du coup gagné, qui par lui-même ne donnait réellement qu'un résultat peu important. Il avait la chance. Maintenant la preuve était faite, et elle confirmait ses pressentiments basés sur les espérances de sa jeunesse. Quelle faute il eût commise de ne point tenter l'aventure ! Ce fut avec une parfaite sérénité qu'il donna les cartes pour le second coup. Jamais on n'avait vu un banquier aussi tranquille. C'était à croire que le gain comme la perte lui était indifférent. Les vieux joueurs qu'il examinait d'un œil curieux étaient démontés par son assurance. Qui aurait cru cela de lui? Pour eux, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, il avait été admis jusqu'à ce moment que s'il ne jouait pas, c'était tout simplement parce qu'il n'était pas en situation de supporter une perte de quelque importance. Le second flux fut insignifiant, le banquier perdit au tableau de droite et gagna au tableau de gauche. Le troisième et le quatrième furent pour lui, quand il arriva à sa dernière taille, il était en bénéfice d'environ une vingtaine de mille francs. Alors sa sérénité s'envola et de nouveau, l'émotion lui étreignit le cœur. Des gouttes de sueur lui coulèrent dans le cou. Sans doute ce n'était point une fortune, celle dont il avait rêvé quand il balançait la question de savoir s'il jouerait ou ne jouerait point, mais c'était une somme, et le dernier coup qui lui restait pouvait la doubler ou la réduire à rien. Enfin, ce dernier coup allait décider si oui ou non il avait la chance, ce qui était le grand point. Cette fois, ce ne fut pas au beau banquier qu'il donna les cartes. Il semblait qu'elle ne pouvait pas se détacher de ses doigts, comme il l'espérait, en les gardant dans ses mains, leur donner le temps de devenir ce qu'il désirait qu'elles fussent. Lentement, il releva les siennes, n'osant pas les regarder. Il avait cinq. La situation était critique. Qu'allaient faire ses adversaires? Ils ne demandèrent de cartes ni l'un ni l'autre. Depuis qu'il vivait dans son cercle, il avait les oreilles rebattues par les discussions sur le tirage à cinq. Doit-on ou ne doit-on pas tirer? Mais de tout ce qu'il avait entendu sur ce point délicat, il ne lui était pas resté grand-chose de précis dans l'esprit, et il n'était pas en état en ce moment de se rappeler la théorie et de la raisonner. Ce qui fait l'intensité des angoisses du jeu, c'est la rapidité avec laquelle les résolutions doivent se prendre. Avait-il intérêt à s'en tenir à cinq ou à se donner une carte? S'il se donnait un 2, un 3 ou un 4, il améliorait son point et le rapprochait de 9. Mais s'il se donnait un 5, un 6, un 7, il avait 10, 11 ou 12 et perdait. Un vieux joueur aurait instantanément résolu théoriquement la question, mais il n'était pas un vieux joueur, il s'en fallait de tout, et il n'avait qu'une ou deux secondes pour la décider. Jamais appel à la chance ne s'était présenté dans des conditions plus caractéristiques. Il devait donc prendre une carte, ce serait elle qui rendrait l'arrêt. Ce fut un 3 qu'il tira, ce qui lui donna 8. Le tableau de droite avait 5, celui de gauche 7, les 40 000 francs étaient à lui. Décidément, la preuve était faite, l'arrêt était rendu. Il avait la chance. Ce fut d'ailleurs le cri de tous. Parmi ceux qui s'empressaient à le féliciter, Frédéric ne fut pas le dernier. Il sut le faire plus intelligemment pour lui que les autres. Quand Adeline lui répéta que c'était la première fois qu'il jouait, il ne fut pas assez sot pour douter de cette affirmation, voyant tout de suite le parti qu'il en pouvait tirer. « La façon dont vous avez joué prouve une chose, qui est que vous avez le génie du jeu, et votre gain en prouve une autre, qui est que vous avez la chance. Avec ces deux dons extraordinaires, il faudra vraiment que vous méprisiez bien la fortune pour ne pas jouer. » Malheureusement pour sa bourse, Adeline n'eut pas à répondre qu'aux complimenteurs. Les emprunteurs s'abattèrent aussi sur lui, M. de Chalus en tête, qui lui tira 50 louis, puis 5 ou 6 autres, et enfin Frimaud, qui se fit rendre les 5 louis qu'il avait perdus. Adeline n'avait pas l'esprit tourné à la raillerie, et ce soir-là moins que jamais. Cependant, il ne put s'empêcher de lancer une légère allusion à l'Odéon. « L'Odéon ! » s'écria Frimaud, « ils l'ont gratté, alors vous comprenez ?» Le lendemain, à la chambre, les félicitations recommencèrent. Les amis d'Adeline ne parlaient que de sa chance. Ce n'était pas 40 000 francs qu'il avait gagnés, c'était 200 000, 300 000. De peur de se laisser entraîner à risquer ses 40 000 francs ou ce qui lui en restait, c'est-à-dire 35 000 francs, Adeline, en homme sage, qui va faire la part du feu, les envoya à Elbeuf où il serait plus en sûreté qu'entre ses mains. Seulement, il se garda bien de dire à sa femme d'où il venait. Pour qu'elle ne s'inquiétât point, il lui inventa une histoire vraisemblable. Ils avaient subi assez de faillites en ces temps derniers, et d'assez grosse pour qu'il fût tout naturel d'admettre que dans l'une d'elles s'était trouvée cette somme. Les débiteurs qui payent intégralement ce qu'ils doivent pour obtenir leur réhabilitation sont rares, mais enfin on en trouve. Quand Adeline arriva à son cercle, ceux qui l'avaient battu la veille l'entourèrent. « Vous allez nous donner notre revanche, mon cher président. Il faut que vous nous rendiez un peu de l'argent que vous nous avez enlevé hier si joliment. » Il répondit en riant que cela était impossible, attendu que cet argent roulait vers Elbeuf. Puis sérieusement, il expliqua qu'il n'était pas joueur et ne voulait pas le devenir. Il avait consenti la veille à tailler une banque en cédant aux sollicitations de ceux qui le tourmentaient, non pour lui, mais pour eux, pour leur être agréable, pour le plaisir du cercle. « Eh bien, et nous, ne ferez-vous rien pour nous? Ne nous devez-vous rien ?» Après tout, puisqu'il avait la chance, pourquoi ne pas en profiter? Il ne méprisait pas la fortune, comme le croyait Frédéric, loin de là. Mais ce soir-là, il ne retrouva point la chance, sa chance, celle qui lui appartenait, et lui était personnelle. Elle l'abandonna au moins en partie, c'est-à-dire qu'après des hauts et des bas, sa banque se termina par une perte de 6 000 francs. Comme il n'avait pas cette somme sur lui, il lia la caisse qu'il paierait le lendemain. « La caisse n'acceptera pas votre argent, mon cher président, dit Frédéric. Ce n'est pas pour vous que vous avez joué aujourd'hui, c'est pour le cercle. C'est vous-même qui l'avez dit. Je vous rapporte vos propres paroles. Le jour où vous vous serez refait, si vous tenez à rembourser ces 6 000 francs, nous ne pourrons pas les refuser. Mais jusque-là, la caisse vous est fermée. Pour recevoir, avec votre chance, avec votre génie du jeu, votre revanche sera facile. Vous rattraperez vos 6 000 francs et bien d'autres avec. » C'était ainsi qu'il avait été pris, en se laissant incorporer dans la troupe des joueurs la plus nombreuse, celle qui court après son argent.